بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Lorsqu'il invoqua son Seigneur en secret, « Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête est recouverte de cheveux gris, et je n'ai jamais été déçu en t'implorant, ô mon Seigneur. » Je crains le comportement de mes héritiers après ma mort, et ma propre femme est stérile. Ô Seigneur, accorde-moi, par un effet de ta grâce, un descendant. Qui héritera de moi et de la famille de Jacob, et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati 'aqiran wa qad balaghtu min al-kibri 'itiyya. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils dont le nom sera Jean. Ne lui avons point donné d'homonyme par le passé. Et Zacharie dit, Mon Seigneur, comment pourrais-je avoir un fils alors que ma femme est stérile et que je ne suis plus qu'un vieillard décrépit. L'ange répondit, « Ainsi sera-t-il, ton Seigneur a dit, cela m'est facile. Je t'ai toi-même créé alors que tu n'étais rien. » فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Ô mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe. Il dit, ton signe sera que tu seras incapable de parler aux gens durant trois nuits, tout en étant bien portant. Il sortit donc du sanctuaire et alla à la rencontre de son peuple, puis il fit signe de glorifier Dieu matin et soir. Ya Yahya, خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Ô Jean, tiens fermement à l'écriture, et nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il n'était qu'un enfant, ainsi que de la tendresse et une pureté de cœur de notre part, et il était pieux. Et dévoué envers ses parents, il n'était ni insolent ni rebelle. Que la paix soit sur lui, le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Et fait mention de Marie dans le livre, quand elle alla s'isoler, loin de sa famille, dans un lieu situé à l'est. Elle étendit un voile entre elle et le monde, nous lui envoyâmes notre esprit, qui avait revêtu pour elle une forme humaine accomplie. Elle dit, « Je me réfugie contre toi, auprès du miséricordieux. Si tu crains Dieu, ne m'approche point. » Il dit, « Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur, venu t'annoncer la naissance d'un fils pur. » قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Elle dit, comment pourrais-je avoir un fils alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché et que je ne suis point une femme de mœurs légères? Il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde émanant de nous. C'est une affaire déjà décrétée. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Elle devint donc enceinte de l'enfant et se retira en un lieu éloigné. Saisie par les douleurs de l'enfantement, il alla se réfugier au pied d'un palmier. Elle dit, ah que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Une voix l'appela d'au-dessus d'elle. Ne t'afflige pas, ton Seigneur a mis une source à tes pieds. Et secoue vers toi le tronc du palmier, il en tombera des dattes fraîches et mûres. Mange et bois et réjouis-toi. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, j'ai fait vœu de jeûne à mon Seigneur, je ne peux donc parler à aucun être humain aujourd'hui. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Puis elle revint auprès des siens portant son bébé. Ils lui dirent: Ô Marie, tu as fait là une chose étonnante. Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme mauvais et ta mère n'était pas une femme légère. Mais elle pointa du doigt le nouveau-né. Comment, s'étonnèrent-ils, parlerions-nous à un enfant encore au berceau? Mais ce dernier dit, je suis vraiment le serviteur de Dieu, il m'a donné le livre et m'a fait prophète. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Il a fait de moi une source de bénédiction où que je sois, et il m'a enjoint la prière et la zakat tant que je vivrai. Il m'a rendu dévoué envers ma mère, et il ne m'a fait ni insolent, ni misérable. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité. Tel était Jésus, fils de Marie. C'est la vérité, et pourtant ils en doutent. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Il ne sied pas à la majesté de Dieu de s'attribuer un fils. Gloire à lui. Quand il décrète une chose, il dit seulement « Sois » et il est aussitôt. Certes, Dieu est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur, a dit Jésus. Adorez-le donc, tel est le droit chemin. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Par la suite, diverses sectes se formèrent et se disputèrent à son sujet. Alors malheur aux mécréants lors d'un jour terrible. Comme ils entendront et verront bien le jour où ils devront comparaître devant nous. Et pourtant, les injustes sont aujourd'hui dans un égarement évident. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. Et avertis-les du jour du regret, quand tout sera décrété sans retour. En ce moment, ils sont indifférents et ils ne croient point. C'est nous, en vérité, qui hériterons de la terre et de tous ceux qui s'y trouvent, et c'est à nous qu'ils seront ramenés. واذكر في الكتاب إبراهيم إن انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Et mentionne dans le livre Abraham, c'était un véridique et un prophète. Lorsqu'il dit à son père, « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui ne peut ni entendre ni voir et qui ne te profite en rien ?»« Ô mon père, il m'a été révélé un savoir qui ne t'est jamais parvenu. Suis-moi donc, je te guiderai sur un droit chemin. »« Ô mon père, n'adore pas Satan, car Satan est désobéissant envers le tout miséricordieux. » »« Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du miséricordieux ne s'abatte sur toi et que tu ne deviennes un allié de Satan. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. Son père dit, prendrais-tu en aversion mes divinités, ô Abraham? Si tu ne cesses pas, je te lapiderai sûrement. Éloigne-toi de moi, et pour longtemps. Paix sur toi, dit Abraham, j'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il a toujours été bienveillant envers moi. Je me sépare de vous et de tout ce que vous invoquez en dehors de Dieu. J'irai prier mon Seigneur, et j'espère n'être pas déçu en l'invoquant. Puis, lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors de Dieu, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète. Nous leur donnâmes de notre miséricorde et nous leur fîmes une renommée sublime et durable à travers les âges. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. Et mentionne dans le livre Moïse. C'était un élu, un messager de Dieu et un prophète. Du versant droit du mont Sinaï, nous l'appelâmes et le fîmes approcher tel un confident. Et par notre miséricorde, nous lui envoyâmes son frère Aaron comme prophète lui aussi. واذكر في الكتاب إسماعيل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Et mentionne Ismaïl dans le livre. Il était certes fidèle à ses promesses, et c'était un messager de Dieu et un prophète. Il recommandait la prière et la zakat à sa famille, et il était agréé par son Seigneur. Et mentionne Idris dans le livre. C'était un véridique et un prophète. Et nous l'élevâmes à un haut rang. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Voilà ce que Dieu a comblé de faveur parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam, et aussi parmi ceux que nous avons transportés dans l'arche en compagnie de Noé, et parmi la descendance d'Abraham et d'Israël, et parmi ceux que nous avons guidés et choisis, quand les signes du Tout Miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. Puis leur succédèrent d'autres générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Il leur sera réservé un sinistre destin. Mais ceux qui se repentent, croient et font le bien, entreront au paradis et ne seront point lésés. Ils entreront dans les jardins d'Éden que le Tout Miséricordieux a promis à ses serviteurs qui auront cru à l'invisible, car en vérité, sa promesse se réalisera. Dans ces jardins, ils n'entendront nulle parole insignifiante, mais seulement le mot « paix ». Ils recevront leur subsistance matin et soir. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Nous, les anges, ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous, et tout ce qui est entre les deux. Et ton Seigneur n'oublie jamais rien. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui les sépare. Adore-le donc, et sois assidu dans son adoration. En connais-tu un seul qui mérite le même nom que lui ? الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. Et l'homme dit, une fois mort, me fera-t-on sortir vivant de terre ? L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé, alors qu'il n'était rien ? ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Par ton Seigneur, nous les rassemblerons certainement, eux et les diables, puis nous les ferons s'agenouiller autour de l'enfer. Ensuite, nous traînerons à l'extérieur de chaque groupe ceux d'entre eux qui auront été les plus rebelles envers le tout miséricordieux. Et certes, nous savons mieux que quiconque ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas au-dessus de l'enfer. Il s'agit là, pour ton Seigneur, d'un décret irrévocable. Puis nous délivrerons ceux qui auront été pieux et ils laisseront les injustes agenouillés. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. Et lorsque nos signes, au sens évident, leur sont récités, les mécréants disent aux croyants, « Qui de nous ou de vous mène le meilleur train de vie et peut le mieux compter sur son entourage ? Et pourtant, combien de générations avons-nous détruites avant eux, alors qu'elles les surpassaient en bien et en apparence ? Dis, ceux qui sont dans l'égarement, le tout miséricordieux prolongera sûrement leur vie jusqu'à ce que, voyant la menace de Dieu s'accomplir, soit le châtiment en ce monde, soit l'avènement de l'heure dernière, ils réalisent finalement qui occupe la pire position et qui dispose des plus faibles moyens. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Dieu élève en rectitude ceux qui suivent la bonne voie. Les bonnes œuvres, qui seules sont durables, sont meilleures aux yeux de ton Seigneur, mieux récompensées et mènent à une meilleure destination. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. As-tu vu celui qui ne croit pas à nos signes et affirme « On me donnera certes des biens et des enfants » Aurait-il percé l'inconnaissable ou a-t-il conclu un pacte avec le tout miséricordieux? Bien au contraire, nous noterons tout ce qu'il dit et nous prolongerons la durée de son châtiment. C'est nous qui hériterons de ce dont il parle et il viendra seul devant nous, sans ses biens ni ses enfants. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. Ils ont adopté d'autres divinités en dehors de Dieu, pensant que ces dernières leur donneraient gloire et puissance. Mais au contraire, ces divinités renieront l'adoration dont elles auront fait l'objet et se tourneront contre eux en adversaires. Ne vois-tu pas que nous avons envoyé contre les mécréants des diables qui les tendent sans relâche de toutes parts? ما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Ne te hâte donc point contre eux, ô Mohammed, car nous comptons pour eux un nombre limité de jours. Un jour, nous rassemblerons les pieux qui seront admis en présence du Tout Miséricordieux. Et nous pousserons les criminels vers l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Ils ne disposeront d'aucune intercession, sauf celui qui aura reçu une permission de son Seigneur, le Tout Miséricordieux. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن Et ils disent, le tout miséricordieux s'est attribué un fils. Vous proférez là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne se déchirent, à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Quoi, attribuer un fils au tout miséricordieux, alors qu'il ne sied nullement à la majesté du tout miséricordieux d'avoir un fils? كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Aucun habitant des cieux et de la terre ne se rendra auprès du tout miséricordieux autrement qu'en serviteur. Il les a certes tous comptés, recensés un à un. Au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. يا ceux qui auront cru et fait le bien, le tout miséricordieux accordera son amour. Nous avons rendu ce Coran facile à comprendre dans ta langue, ô Mohammed, afin que par lui tu annonces la bonne nouvelle aux gens pieux et tu avertisses un peuple rebelle. Que de générations avant eux n'avons-nous pas anéanti? En retrouves-tu, ô Mohammed, un seul individu où en entends-tu le moindre murmure ?